Chapitre 7e, le japonais. Ce n'était pas la seule aventure, la seule surprise qui attendit Paulin Broquet et Miss Eden dans leur excursion à la Chinatown. Comme ils allaient en flânant de boutique en boutique, tout à coup ils furent bousculés par un homme qui courait, une sorte de coolie. Ce coolie s'adressait mal. Il tombait sur un homme et sur une femme habitués à tous les sports et que les surprises de la rue ne pouvaient démonter. Aussi, en un clin d'œil, le malencontreux coolie se trouva-t-il paralysé et jeté à terre par Paulin Broquet. Alors se passa une scène extraordinaire, comme seule la Chinatown peut en être le théâtre. Ce coolie qui fuyait, qui courait, qui bousculait les gens pour passer, s'échapper, demeura à terre. Mais il tourna la tête vers celui qui l'avait maîtrisé, vers celle qui l'accompagnait. « Pitié, dit-il, par pitié, sauvez-moi, il ajouta. Je vous demande cela pour mon enfant. Si vous avez un enfant, comprenez-moi, sauvez-moi. » Et dans ses yeux bridés, une telle angoisse se lisait, une telle prière aussi, que Paulin Broquet s'arrêta et que Miss Eden se pencha sur ce pauvre diable avec compassion. « Lève-toi, lui dit-elle doucement, lève-toi, mon pauvre garçon. » Alors la figure de cet homme changea. L'angoisse, la terreur, la supplication qui s'y lisait firent place à une expression de joie, de bonheur qu'on ne peut décrire. « Merci, dit le coolie à Miss Eden, la vie de Hayamaki vous appartient. » Hayamaki ne se releva pas encore. Il demeura couché sur le sol, mais avec cette souplesse de chat dont les Japonais ont l'admirable secret, il enleva les misérables haillons qui formaient sa veste, et les tournant à l'envers, il les endossa de nouveau, rapidement, sans se lever de terre. Ainsi il parut avoir, je n'ose dire un costume, mais un accoutrement tout autre. Alors il se mit à genoux, faisant comme s'il ramassait quelque chose à terre devant Miss Eden, et lui dit « Confiez-moi les paquets que vous portez, et faites comme si j'étais vraiment coulé, je vous en prie. » « Faites cela, jusqu'à ce que les gens qui me poursuivent soient passés. » Comme il disait cela, dans la rue déboucha une foule hurlante, grouillante, derrière des policemen qui couraient bâton levé. Miss Eden comprit alors. Elle remit au coulis les paquets qu'elle tenait et reprit sa marche avec Paulin Broquet, tout en se garant des gens qui arrivaient dans leur direction. Hayamaki les suivait de près, se garant aussi, et regardant de ses yeux brillés cette foule qui tout à l'heure courait après lui. Continuant follement sa poursuite désormais sans résultat possible. Et Hayamaki, soulagé, se sentant sauvé, se mit à rire nerveusement, comme lorsqu'on vient d'échapper à un grand danger. « Eh bien, » lui dit Paulin Broquet, riant à son tour, bien que le coolie eût admirablement joué la police. « Eh bien, mon garçon, te voilà sauvé. »« Oui, merci. Maintenant, file, rentre chez toi. »« Non, pas encore, » répondit Hayamaki. « Pourquoi ?»« Parce qu'il faut que vous sachiez qui vous venez de sauver. » « Il n'importe. Te voilà hors d'affaire. Le reste n'est rien pour nous. Sans doute. Mais ce reste est justement la chose importante pour moi. Ce qui veut dire que je dois savoir qui m'a sauvé. Pourquoi ? Parce que j'ai dit à la dame aux cheveux d'or que la vie d'Hayamaki lui appartenait, et qu'il faut que je sache qui elle est pour tenir mon serment si besoin était un jour. » Comme Paulin Broquet hésitait encore, Hayamaki ajouta « D'ailleurs, j'ai parlé à madame au nom de mon enfant. » Quand un Japonais parle de son enfant, il prononce une parole sacrée. Je dois vous prouver que je n'ai pas menti. C'est bien, dit Miss Eden. Dans ce cas, Hayamaki, suis-nous. Paulin Broquet et sa femme activèrent leur promenade et sortirent de la ville chinoise. Monte à côté du chauffeur, dit Paulin Broquet au coolie. Nous parlerons plus à l'aise à la maison. D'un bond, le Japonais se hissa sur le siège et l'auto se mit aussitôt en marche. La voiture roulait depuis quelques instants seulement, difficilement, à cause de la foule, quand Paulin Broquet, brusquement, donna l'ordre d'arrêter. L'auto stoppa. Par la portière, Paulin Broquet appela. Il faisait signe à un policeman. Le policeman fut long à décider à répondre à l'appel. Pendant ces quelques secondes, le Japonais inquiet tourna la tête vers l'intérieur de la voiture. Il regarda Miss Eden, mais Miss Eden souriait. Alors, rassuré, le Japonais ne s'occupa même plus du policeman qui, ayant enfin consenti à répondre à l'appel de Paulin Broquet, se dirigeait vers l'auto. Arrivé devant la portière, carrément, à l'américaine, le policeman commença. « Je dois vous dire que mon service est terminé et que je rentre chez moi. Vous faites bien, » répondit Paulin Broquet sur le même ton, « surtout si vous rentrez chez vous sans vous arrêter dans un bar. Mais il ne s'agit pas de cela. Il n'est pas question de vous donner un surcroît de travail. Bon, qu'y a-t-il alors pour votre service ?»« Tout à l'heure, vous vous trouviez au pied de l'escalier du marchand chinois Fuzi, c'est exact. » Un gentleman est sorti du magasin, oui. Vous avez salué ce gentleman. En effet, connaissez-vous son nom ? Parfaitement. C'est un ingénieur qui est dans beaucoup d'affaires de mines. Il s'appelle le comte de Saint-Rion. Ah, merci, dit Paulin Broquet. Oui, c'est cela. Et il ajouta, tendant au policeman un beau cigare, puisque vous n'êtes plus en heure de service, le règlement ne vous défend pas d'accepter ce cigare que vous fumerez en rentrant chez vous. Le comte de Saint-Rion, répéta Paulin Broquet. Le comte de Saint-Rion. Demain, cher ami, nous tâcherons de savoir ce que c'est que ce comte de Saint-Rion. Comme l'auto, après une longue et rapide course, atteignait les environs de Los Angeles, le japonais dit au chauffeur de stopper et il sauta du siège. Hayamaki vint à la portière où se tenait Miss Eden. « Madame, lui dit-il, ma maison est près d'ici. Voulez-vous venir vous assurer que je ne mentais pas ?»« Allons, dit seulement Miss Eden, conduis le chauffeur. » Quelques minutes après, l'auto devait s'arrêter car la route défoncée, pleine d'ornières, ne permettait pas de rouler. Hayamaki encore une fois sauta à terre. « Madame, dit-il, désignant du doigt, c'est dans ces baraques. » On se trouvait en effet à quelques pas d'un de ces terrains vagues où s'élèvent les agglomérations de masures qui entourent les grandes villes. Là habitent des familles, des populations de toutes sortes, chiffonniers, ramasseurs de débris, et qui vivent des métiers les plus bizarres et aussi des individus fuyant la ville pour des raisons que les policemen connaissent bien. Paulin Broquet et Miss Eden, cependant, décidèrent de suivre Hayamaki jusque chez lui. « Je suis honteux, vraiment, dit le japonais, de vous mener à la preuve de ma loyauté par des chemins aussi mauvais. » En route, il dit encore, Miss Eden, « j'ai une dernière prière à vous adresser, madame. Vous allez voir ma femme Tsuru, qu'elle ne sache pas comment. J'ai eu le bonheur de vous rencontrer. » « C'est entendu. »« Merci encore, fit Hayamaki. Vous allez voir aussi mon fils, Sesu, il a 3 ans. C'est pour les faire vivre tous deux, ma mère et lui, que je suis voleur. »« Pourquoi ne travailles-tu pas ?» demanda Paulin Broquet. Parce que je ne peux plus travailler. » Comme Paulin Broquet le regardait avec surprise, le japonais ajouta, « Je suis équilibriste jongleur de mon métier. »« Ah, » fit Miss Eden, « tu as travaillé dans les cirques. »« Cirque et music hall, oui, madame. C'est un métier difficile que celui-là. Pendant de longues années, mon père me le fit apprendre. Mon père équilibriste aussi. Je gagnais bien ma vie. J'ai pu penser me créer une famille. Et j'épousais Tsuru, une vaillante et bonne petite femme que j'aimais depuis mon enfance. » Nous étions heureux. Un soir, en essayant un tour nouveau avec un aide, cet homme fut maladroit et il me laissa tomber sur la figure un des couteaux qu'il me lançait du bout du théâtre, que j'attrapais avec une planche de liège tenue dans mes dents. Ce ne fut heureusement que le manche du couteau qui m'atteignait. Vous savez que le pommeau de ces couteaux est très pesant. Je sais. Il paraît qu'il doit en être ainsi pour le jeu, pour l'équilibre. Ce pommeau tomba sur mon œil gauche. J'ai pensé perdre la vue. Pendant de longs mois, j'ai souffert. On m'a guéri. L'œil est sauvé, mais il est défectueux. Il ne tourne pas assez vite maintenant et ne peut suivre les boules ou les couteaux quand il passe à gauche. Forcément, je manque souvent mon tour. Je ne veux plus rien. On ne veut plus m'engager. Malheureux garçon. Ensuite, j'ai alors essayé de travailler dans les rues. Ça n'a pas mieux réussi. La misère est venue dans ma maison. Puis un jour que Tsuru avait froid, que ses sous manquaient de lait, madame, j'ai volé pour eux. « Voilà pourquoi je suis un voleur. »« Il fallait changer de métier, » dit Paulin Broquet. « Je l'ai fait, monsieur, j'ai tout fait, tout essayé. Mais il me semblait qu'avec ce coup, le malheur était tombé sur ma tête. Et après quelques jours de travail honnête, quand je croyais réussir, on me chassait. Ou je devais encore voler. Mais Tsuru croit toujours que je travaille. Autrement, il mourrait de honte, de chagrin. » Le japonais pleurait en parlant. Il reprit. C'est dans la Chinatown que je vais exercer mon pénible métier, parce que là, dans la foule, c'est plus facile. Je peux rapporter ses sous et à Tsuru de quoi manger. Tu connais bien la Chinatown ? Demanda Paulin Broquet. Oui, mieux qu'aucun blanc ne la connaît, aussi bien qu'un jaune peut la connaître, mais pas aussi complètement qu'un chinois. Hayamaki reprit. Aujourd'hui, j'allais m'emparer de je ne sais plus quoi, à un étalage de vivres, quand j'ai été surpris. Le marchand a hurlé comme seul un chinois volé peut hurler, et la Chinatown s'est mise à la poursuite du Jap que je suis. J'allais être fatalement pris quand il m'a semblé que le malheur enfin s'éloignait de moi au plus fort du péril, car, madame, je venais de vous apercevoir. Le japonais doucement ajouta, « Madame, quand le ciel donna une femme vos cheveux de prière, vos yeux du ciel et votre sourire de cerisier en fruits, il l'a fait trop belle pour placer en elle un mauvais cœur. on n'enferme pas de méchantes choses dans les coffrets précieux, et dans votre beauté se tient une belle âme. Je vois que je ne me suis pas trompé. » Non, mon ami, dit Paulin Broquet, tu ne t'es pas trompé. Et en apercevant Miss Hayden, ma femme, tes yeux ont vu luire l'aurore de jours nouveaux pour toi et les tiens. Hayamaki essuya ses yeux sur sa manche et dit : Voilà la maison. C'était une misérable baraque en mauvaise planche raccommodée avec des morceaux de bois en fer blanc, mais le long des parois, pour les cacher, montaient des fleurs grimpantes. Hayamaki frappa doucement à la porte. La porte s'ouvrit. Une jolie figure, mais maigre et souffreteuse, parut encadrée dans les fleurs. C'était Tsuru. « Vous, mon soleil ?» demanda la jeune femme. « Oui, ma branche de glycine, » répondit le japonais. Tous deux s'embrassèrent tendrement. « Je vous amène, » reprit Hayamaki, « de bons visiteurs à qui je dois beaucoup. Qu'ils entrent donc, » dit Tsuru en s'avançant hors de la masure, « et que notre pauvreté leur soit accueillante comme un palais doré. » Elle s'effaça, s'inclinant très bas et saluant la japonaise devant un hôte. Mais Sidon et Paulin Broquet entrèrent dans la pièce qui formait elle seule l'habitation de ces pauvres airs. C'était misérable. Tout était en haillons, mais tout était admirablement rangé et tout apparaissait d'une propreté méticuleuse. On devait plaindre cette misère, mais les Japonais pouvaient n'avoir point honte de leur foyer. Dans un petit lit, ingénieusement bâti avec quelques planches, l'enfant se tenait. Il avait la tête rasée à la japonaise, des yeux intelligents et rieurs. « Quelle jolie poupée vivante cela ferait pour Darling ?» dit Miss Hayden. Elle s'approcha du lit et prit l'enfant pour le caresser. La jeune mère souriait. Elle faisait avec cette grâce de mouvement des japonaises les honneurs de son propre logis. Hayamaki, maintenant, se tenait dans un coin de la pièce. Il regardait tendrement la scène. Il avait fourni la preuve qu'il n'avait pas menti. « Demain, Hayamaki, lui dit Paulin Broquet, demain vous viendrez tous trois chez nous. Votre vie sera assurée, vous aurez du travail. » Hayamaki ne put dire un mot. Il se pencha sur la main de Paulin Broquet pour l'embrasser. Quelques instants après, Paulin Broquet se retirait avec Miss Hayden. Hayamaki les accompagnait sur le chemin. Un cri joyeux d'enfant les fit retourner. C'était Sessou qui l'appelait. À travers les fleurs qui encadraient la fenêtre, il envoyait de ses petites mains des baisers, avec le sourire de sa maman. Ce tableau typique était ravissant. Hayamaki ne voulait pas prendre les quelques pièces d'or que lui offrait Miss Hayden. « Non, madame, » disait-il, « non. Donnez-moi seulement ce qu'il faut pour le lait de Sessou, pour le dîner de Tsuru. »« Prends, mon ami, » dit Paulin Broquet, « il te faut bien les choses chez toi. Maintenant, nous sommes en compte, puisque tu viens demain chez nous, où tu auras du travail. »« Moi, je ne saurais comment vous remercier pour votre bonté, » répondit Hayamaki en prenant les pièces d'or. « C'est ma chère Tsuru et mon petit Sessou qui le feront pour moi. » Revenant dans l'auto, Paulin Broquet se répétait « Le comte de Saint-Rion. » Et Hayamaki connaît bien la ville chinoise, la terrible Chinatown.